les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On va parler d'un pays et de mémoires meurtries dans la demi-heure qui suit. Le pays, c'est le Mexique, et les mémoires meurtries, ce sont celles des étudiants, des pauvres, des syndicalistes, des populations indigènes, tout un monde social en ébullition entre les années 1960 et les années 1970. Et c'est précisément dans ce contexte historique que Roger Pilaudin a réalisé cette série d'entretiens, Les Carnets Mexicains, dont vous allez entendre les deux premiers épisodes. Nous sommes donc en 1971 et ce voyage au Mexique commence en fort bonne compagnie puisque c'est Carlos Fuentes qui nous raconte à grands traits l'histoire mouvementée de son pays. Sur une colline de la banlieue de Mexico, j'ai rencontré l'auteur du Borgnérois, Carlos Fuentes. Peut-être d'abord qu'on pourrait dire quelques mots de cette maison où j'ai le plaisir de vous rencontrer, Carlos Fuentes. Elle est très belle. Mais ça a l'allure d'être une très vieille maison, mais en fait c'est assez nouveau, ça date d'il y a 20 ans. Mais il y a au Mexique cet architecte qui s'appelle Parra, qui a fait un métier de parcourir le pays en cherchant de vieux portes, de vieux poutres, de vieilles grilles. Et avec ses matériaux de démolition, il fait ce maison assez étrange, originel, très confortable et superbe pour un écrivain. Vous êtes né à Mexico ? Oui, je suis né à Mexico. Et il y a longtemps ? Assez longtemps, il y a 42 ans. Et vous pouvez nous parler un peu de votre enfance, de votre jeunesse ? Je n'ai pas passé mon enfance au Mexique. Parce que mon père est diplomate de carrière. Alors je voyageais un peu partout quand j'étais enfant. J'étais en Amérique du Sud, surtout au Chili, en Argentine, au Brésil, au Uruguay, au Panama, aux États-Unis. J'ai passé 8 ans là. Et j'ai presque oublié l'espagnol. J'ai passé une triste enfance parce que je passais les mois normaux de l'école aux États-Unis, ensuite les mois de vacances. On m'a amené au Mexique faire l'école pendant les 3 mois de vacances pour pas oublier l'espagnol, n'est-ce pas? Alors je suis un enfant qui n'a pas connu les vacances. Et très peu le Mexique, en somme. Et très peu le Mexique. Je suis revenu quand j'avais 15 ans. Alors, pour moi, c'était la découverte de mon propre pays. C'était un pays qui, pour moi, existait dans l'idéal un peu, dans les souvenirs de mes parents, dans les lectures, dans les souhaits, dans la volonté d'être mexicain, de pas m'attacher à l'accent argentin ou chilien, qui sont assez particuliers, assez différents de l'accent mexicain. J'ai dû faire ma propre découverte du Mexique. En fait, je pense que si mon premier roman, La plus limpide région, a été une surprise pour le Mexicain même, c'est dû au fait que moi, j'avais une perspective que les autres écrivains mexicains de mon âge n'avaient pas. La perspective qui donne l'éloignement physique et la comparaison avec d'autres cultures, d'autres sociétés. Je pouvais voir le Mexique comme ils ne le pouvaient pas voir. Eux qui avaient grandi, qui étaient tout à fait 100% mexicains. Moi, j'étais un peu mexicain à trois quarts seulement. Et qu'est-ce qu'il ressortait de ce premier roman qui avait le Mexique pour toile de fond? Je pus voir qu'il y avait d'un côté une trahison de la révolution mexicaine, une décomposition de ses idéaux et la naissance d'un grand bourgeoisie, d'une classe moyenne, d'une ville urbaine qui n'était pas dans le domaine de la littérature à ce moment-là, puisque les écrivains encore s'occupaient de la vie de campagne, de la vie des paysans, ou des souvenirs, de la nostalgie de la révolution telle qu'elle était dans son moment actif, idéalistique et armé, au moment de Pancho Villa, Zapata et les grands héros de la révolution mexicaine, n'est-ce pas? Moi, j'ai connu les profiteurs de la révolution, pas les héros. Oui, c'était une vision moins idyllique. Pas du tout idyllique. C'était moins romantique. C'était une vision cauchemaresque, noire. Ouais. Vous aviez quel âge quand vous avez fait ce premier roman ? 25 ans. C'était votre première publication ? Non, j'avais publié des nouvelles quand j'avais 22, 23 ans. Et puis ensuite, je travaillais sur ce roman. Et qu'est-ce que vous pourriez m'apprendre, me dire, sur la situation mexicaine d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me la faire comprendre et pour aussi je la fasse comprendre à ceux qui nous écouteront? Bon, de quel point de vue? Il faut que vous me précisiez un peu plus, parce que c'est un pays très vaste, très complexe. C'est un pays de cultures superposées, comme vous savez, des syncrétismes de tout ordre. Bien sûr, tout le monde le sait, je ne fais que répéter un lieu commun peut-être. Eh bien, la grande différence avec la colonisation anglaise aux États-Unis, au Mexique, c'était le fait qu'ici, il y avait une grande culture, une grande civilisation, de grands centres urbains, et surtout un système politique très rigide, très cérémonial, très despotique et très hiérarchisé, basé sur une certaine conception du monde, une cosmogonie, qui était une dégradation d'une vieille promesse morale, celle incarnée dans le dieu Quetzalcoatl, la serpente à plumes, et dégradée par les exigences politiques de l'Empire aztèque, qui dans sa conception cyclique de la vie et du renouveau exigeait la mort pour donner la vie. C'est la raison des sacrifices humains, n'est-ce pas? Alors, à cette culture verticale et hiérarchisée, s'est superposée une autre culture hiérarchique et verticale, la culture politique et religieuse de l'Espagne, qui ne voulait pas laisser le Moyen-Âge et entrer dans le monde moderne. Alors, dans le moment même du foisonnement critique de l'âge moderne en Europe, on nous a imposé une culture faussement organique, une conception politique et sociale faussement organique et coloniale. Alors la bataille du Mexique a été une bataille pour la décolonisation, ce qui nous approche beaucoup des autres pays du tiers-monde aujourd'hui. Mais le fait, c'est que le Mexique, qui a donné la première bataille avec l'indépendance de 1810, ensuite avec le libéralisme, la lutte contre l'intervention française, 1860, ensuite elle a fait la première révolution moderne, démocratique bourgeois du continent américain et presque, je peux dire, du monde, parce que c'était 7 ans avant la révolution soviétique. Et ce que nous vivons, sont les résultats de cette révolution prématurée peut-être, mais qui en fait a eu lieu en 1910 et qui a créé une bourgeoisie, une structure capitaliste dans un pays sous-développé. Et tous nos maux viennent de ça, n'est-ce pas? Ce que vous voyez ici, ben bon, c'est la pleine cristallisation de ça, d'une révolution démocratico-bourgeoise dans un pays sous-développé. Toutes les contradictions, tous les problèmes viennent de ce fait. Vous n'hésitez pas à mettre sur le même plan que d'autres pays sous-développés le Mexique? Pas tout à fait, parce qu'en fait, la révolution a fait des énormes changements de structure au Mexique. Le vieux monde féodal à la campagne a été détruit au Mexique, d'une fois pour tout. La réforme agraire mexicaine, ça n'a pas été un grand succès. Elle date de quand, la réforme agraire? Ça a commencé pendant la révolution, même puisque le général révolutionnaire faisait la réforme agraire sur les champs, non? Oui. Il gagnait une bataille immédiatement, il faisait la répartition de terres. Alors, répartir les terres, ce n'est pas suffisant, comme on sait très très bien. Il faut donner des machines, des semences, des prix de garantie, des écoles, des hôpitaux. Alors, ça ne s'est pas toujours passé. Ce qui s'est passé, c'est que des serfs, qui étaient les serfs de l'Empire aztèque, et les serfs de la colonie espagnole, et les serfs des grands seigneurs, des grands domaines du Mexique indépendant, sont devenus libres. Libres pour mourir de faim, et libres aussi pour émigrer des campagnes, venir à la ville, et devenir le main-d'œuvre bon marché de l'industrialisation mexicaine. Et ça, ce phénomène, c'est effectivement un phénomène qui s'est passé dans beaucoup de pays d'Amérique latine, où l'on trouve dans les villes agglutinées tout un sous-prolétariat. Et ici, ça a pris des proportions, on peut dire, catastrophiques, étant donné le nombre de la population. Oui, étant donné l'explosion démographique au Mexique, qui est d'un ordre incroyable. Ce sont 1 million de personnes qui naissent chaque année dans ce pays, non? C'est une explosion dans l'ordre, je pense, de 5%, quelque chose comme ça, non? Le pays aura 100 millions d'habitants l'année 2000. Alors, depuis cette époque, la situation n'a fait que se dégrader. La situation n'a fait que se dégrader. Vous savez, dans le mouvement révolutionnaire mexicain, il y a eu en fait deux grandes forces. L'un, c'était la force de la classe moyenne, de la bourgeoisie naissante au Mexique, qui étouffait sous la dictature de Porfirio Díaz et les grands seigneurs féodaux de cette époque-là. Et l'autre, c'était la force proprement populaire, qui ont incarné des guerrilleros comme Pancho Villa, et Emiliano Zapata. Alors, la première force, la force bourgeoise, demandait surtout une centralisation totale du pouvoir afin de faire la révolution dans un pays brisé dans des petits fiefs, dans des petites féodalités, des grands seigneurs avec des domaines plus grands que la France parfois, n'est-ce pas ? Ça correspondait un peu au niveau de la Révolution française. Oui, c'est exactement l'équivalent de la Révolution française. Tandis que les forces populaires, Villa était une force de la nature. Il était un centaure, il était un homme qui a fait une chose remarquable, en fait. C'était de porter avec lui les couleurs, la musique, les visages inconnus du Mexique, de faire les Mexicains se connaître entre eux, chanter les mêmes chansons, crier les mêmes malédictions, s'aimer, se trouver, se toucher pour la première fois. Il a parcouru le pays avec cette grande armée qui s'appelait la Division du Nord. Mais le phénomène le plus spécifique dans les domaines populaires de la Révolution mexicaine, c'était Zapata. Le mouvement agraire dans l'état de Morelos, qui en fait était un mouvement de profondes racines communautaires localisées. Ce que Zapata voulait et ce qu'il a pu faire pendant une année merveilleuse, l'année 1915, quand toutes les communautés agraires de l'état de Morelos étaient libres sous le zapatismo, c'était de faire une communauté absolument libre, décentralisée, où il n'y avait pas de police, où les gens pouvaient collaborer entre eux pour les récoltes, pour l'ordre, pour leur plein épanouissement une personnel. Commune. C'était une commune vraie. Alors pour la révolution bourgeoise, c'était inacceptable. La révolution bourgeoise voulait centraliser, créer à nouveau, comme dans la vieille tradition aztèque, comme dans la vieille tradition espagnole, un pouvoir central, hiérarchique et vertical. Alors ils ont tué Zapata, et avec la mort de Zapata en 1919, les promesses populaires de la révolution mexicaine ont été mortes. Alors ce qu'on a fait immédiatement, c'était de mettre le bas pour un développement capitaliste du Mexique. C'est-à-dire d'offrir à la bourgeoisie naissante les réformes de structure dont elle avait besoin pour son épanouissement. Et ces réformes étaient la réforme agraire qui fondamentalement a signifié la possibilité d'avoir main-d'œuvre bon marché pour les industries, nationaliser le pétrole, créer des infrastructures dans le domaine des communications, dans le domaine hydrologique. Et pour faire ça, le Mexique a dû exiger une totale unité nationale, une absolue absence de rivalité des partis de vie démocratique à ce niveau-là, afin d'écraser la réaction féodale qui existait encore au Mexique à ce moment, et pour s'opposer aux États-Unis qui ne comprenaient pas qu'en fait les réformes révolutionnaires au Mexique étaient dans le sens de créer une nation capitaliste. Ils se sont opposés à ces réformes mexicaines, ils ont exercé des pressions diplomatiques, des campagnes de presse, ils ont même menacé d'envahir le Mexique. Soutenir les féodaux, alors. Oui, tout à fait, parce qu'ils étaient des propriétaires de grands domaines aussi, les Américains, et des mines et des puits pétroliers, n'est-ce pas ? Alors, ils n'ont jamais compris ça, sauf au moment où les régimes de la révolution mexicaine de 1920 à 1940 ont fait ces réformes de structure. Immédiatement, la bourgeoisie a trouvé que le gouvernement avait fait ce qu'il devait faire pour donner les bases d'un essor capitaliste et bourgeois au Mexique. Ils ont pris le pouvoir. À ce moment, ils sont devenus les alliés des États-Unis. Et l'essor mexicain, le développement économique mexicain, qui en effet a été très grand de 1940 à 1970, est un essor qui a bénéficié à une petite minorité de la population, jusqu'au point que ici, aujourd'hui, c'est un 2% de la population qui a les 50% du revenu national au Mexique. Les vieux promesses sont oubliées, le paysan reste dans la misère, le lumpen prolétariat urbain, vous l'avez vu, c'est un lumpen prolétariat très misérable, tandis que la classe ouvrière est pauvre, mais se considère privilégiée, parce que ses parents habitaient encore la campagne et gagnaient 3 pesos par jour. Eux, maintenant, ils ont leur réfrigérateur et peut-être même ils paient un petit Volkswagen. Et leurs postes de télévision, car on voit... Leurs postes de télévision qui sont partout. Alors, le parti de la révolution institutionnelle, ce qui est un paradoxe, ça fait comme ça, une contradiction dans le terme, continue à prêcher l'unité nationale, qui était valable quand on s'opposait aux États-Unis aux vieux féodaux, mais qui n'est plus valable aujourd'hui. Et dans le nom de cette unité nationale, de cette stabilité pour la stabilité et de ce développement pour le développement, écrase impitoyablement toute opposition, toute possibilité de pluralisation, de diversification, ce qui a culminé dans l'horrible massacre du 2 octobre 1968 à la place de Trois Cultures, n'est-ce pas ? Ce 2 octobre 1968, dont il vient d'être question, fut bien le moment culminant et dramatique des mouvements sociaux qui ont agité le Mexique à cette époque. Dans quelques instants, le deuxième épisode des Carnets mexicains de Roger Pilaudin. Nous sommes toujours en compagnie de l'écrivain Carlos Fuentes. Deuxième entretien avec Carlos Fuentes. Hier, Carlos Fuentes, vous nous avez parlé de sentiment d'union nationale. Il me semble que c'est un sentiment auquel on peut faire facilement appel ici au Mexique. On peut très facilement faire appel à ces sentiments dans un pays qui, plusieurs fois dans son histoire, a été envahi par des armées étrangères, par les États-Unis en 1848 et ensuite par le débarquement américain de la marine américaine à Veracruz l'année 1914, qui a été envahi par les Zouaves de Napoléon III au 19e siècle, qui a lutté constamment pour son identité, pour son indépendance, un pays qui a perdu la moitié de son territoire national aux mains des États-Unis. Enfin, c'est un pays où l'appel au nationalisme est très vif, très proche et très efficace, n'est-ce pas ? Ce qui joue, c'est un épée à double fil, n'est-ce pas ? Parce que quand c'est la grande bourgeoisie mexicaine, une bourgeoisie très réactionnaire et très pro-américaine qui est au pouvoir et qui parle de révolution et d'union nationale, c'est une chose, non ? Mais quand il s'agit de s'opposer à la pénétration américaine chez nous, de lutter contre cette influence, c'est une chose positive. Mm-hmm. Alors le nationalisme, je pense, est une... drapeau positif pour ceux qui n'ont pas encore une nation. Et c'est un défaut quand on a déjà une nation. J'étais frappé par ce que vous avez dit des deux guérilleros de l'époque héroïque, en particulier de Zapata, et dont on a une idée peut-être chez nous un peu fantaisiste. Enfin, on le voit plutôt peut-être comme un bandit de grand chemin, assez proche des Trois Mousquetaires. Mais d'après ce que vous dites, son rôle politique a quand même été très important. Non, Zapata était un homme avec une conscience politique extraordinaire et avec une tradition politique très très forte, non ? Zapata était conscient du fait que les terres qui appartenaient à sa communauté et qui avaient été volées par les grands seigneurs de l'époque des Diaz, c'était des terres auxquelles lui et son peuple avaient un droit parce que le roi d'Espagne avait donné ses terres aux Indiens grâce aux lois d'Inde, non ? Et lui, il avait dans un petit coffret noir le titre jauni, poussiéreux, signé par le roi Charles Quint. Il disait, ces terres appartiennent au village d'Anenecuilco, de Villa de Ayala, de Cuautla, de tous ces bourgades de l'État de Morelos. Alors il luttait pour une vieille tradition, pour faire respecter un vieux charte. C'était un peu comme les comuneros espagnols du Moyen-Âge, ou les gens qui ont lutté contre les princes Jeanne en Angleterre. C'était un peu ça, non ? C'était précisément une culture communautaire paysan avec de vieux racines, de très fortes racines, un grand, grand sentiment de fraternité, d'unité. Dans leur vie communautaire, n'est-ce pas ? Comment a-t-il été tué ? Zapata a été trahi. Carranza, qui était le président mexicain à ce moment-là, qui était un des chefs de la révolution constitutionnaliste, voulait crasser sa patte. Alors un de ses généraux a fait mine de passer de côté de sa patte et donner une preuve en se laissant battre dans une bataille. Il a en effet perdu quelques 200 soldats pour donner une preuve de bonne foi à Zapata qui l'était de son côté. Zapata était convaincu, il a invité Zapata à dîner, à déjeuner dans son vieux hacienda pour célébrer leur union. Zapata est arrivé, l'hacienda était silencieux. Il est entré dans les patios de l'hacienda, dans la cour de l'hacienda. À ce moment-là, les soldats du gouvernement qui étaient sur le toit de ce vieux bâtiment se sont levés avec les carabines dans leurs mains. Ils ont fusillé Zapata du haut. Il était tué comme un chien là au milieu de la cour. Voilà une mort qui me fait penser à une autre mort, celle de Che Guevara. Presque tous les guerrilleros en Amérique latine trouvent la même mort, la même légende, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, les paysans de l'État de Morelos disent toujours que Zapata n'est pas mort et que parfois, dans les nuits, on peut voir son cheval blanc qui se promène, galope dans les sierras où il a combattu. Et le fait, c'est que le gens de cette vallée de Morelos où Zapata a vécu, a combattu et a été tué, continue à lutter. Ils trouvent que la révolution n'a pas été finie, que les droits ne sont jamais respectés et ils ne cessent pas de combattre. Il avait eu un grand chef paysan, Jaramillo, qui a été tué par les soldats du gouvernement il y a 7 ans, qui a été tué aussi à trahison avec sa femme enceinte et ses 2 enfants, au pied des ruines de Xochicalco, le temple de Xochicalco à l'honneur de la Serpente de Plumes. Ils ont été tués la même, non? C'est-à-dire que le vieux pyramide mexicain continue à être les auteuils de la mort, toujours. Mais le fait, c'est que le gouvernement a essayé de récupérer tous ces héros populaires. Maintenant, ils érigent des statues à Zapata, ils célèbrent la naissance et la mort de Zapata. On fait des films. Mais on voit des gros bons messieurs, des banquiers qui descendent des Cadillacs pour célébrer Zapata. C'est assez paradoxal, pour dire le moins. Oui. Après ce retour en arrière, alors on en était arrivé à la situation très dramatique d'il y a 2 ans, d'octobre 68, oui, qui suivait de près, ça nous avait frappé, nous en France, parce que ça avait suivi de très près les événements de mai 68. Cet événement, c'est la culmination de ces 30 ans pendant lesquels les promesses et les lois de la révolution mexicaine ont été trahies ou oubliées par la nouvelle classe sortie de la révolution mexicaine. C'est le résultat des répressions contre les paysans, contre les ouvriers, contre les étudiants, contre les intellectuels, contre les maîtres d'école, contre les professeurs. Des répressions qui se présentent comment et à quelle occasion? Ce sont des répressions qui se présentent comme une riposte finale d'un régime qui n'a pas d'autre riposte. Ce sont par exemple dans les cas des cheminots. Les cheminots ont commencé par demander de meilleurs salaires et une liberté syndicale, puisque les grandes unions des syndicats au Mexique sont tout à fait dominées par le gouvernement, qui impose des leaders tout à fait corrompus, qui se perpétuent dans leur poste et qui ne défendent plus les intérêts des ouvriers, des travailleurs. Alors les cheminots ont protesté contre cette situation, ils ont voulu devenir un syndicat libre. Alors le gouvernement n'a pas toléré ce mouvement, il a brisé la grève de cheminots, il a tué des gens, il a incarcéré les leaders pendant 10 ans, 12 ans, parce qu'il ne pouvait pas tolérer une brisure dans cette pyramide de l'organisation politique mexicaine. C'était un des cas, non? Alors comme ça, je peux vous donner une douzaine d'exemples. Ça a culminé dans le mouvement des étudiants de l'année 1968. C'était une nouvelle génération qui était le produit de la révolution mexicaine, des facilités d'éducation, de liberté que la révolution avait données dans un certain sens. Et c'était des gens qui disaient le système politique est devenu anachronique. C'est un système pour gouverner des enfants ou des brebis, mais pas des gens responsables. Nous considérons des gens responsables, libres, qui nous avons une idée du monde, des choses. On veut une action politique responsable. L'action des étudiants était relativement paisible. Elle relevait de la critique pure, j'imagine, tout à fait, tout à fait. Et des manifestations. Mais vous voyez, c'est le problème dans un pays où il n'y a pas de possibilité d'expression démocratique quotidienne, où la presse, la télévision, la radio, le cinéma, les syndicats, le congrès, le parti sont tout à fait dominés par le gouvernement. Il n'y a aucune possibilité de s'exprimer parce que les canaux de l'expression sont obturés au Mexique et dominés tout à fait par le gouvernement. Alors, naturellement, quand il y a une possibilité de s'exprimer, ça devient un mouvement gigantesque, comme le mouvement de 68 a été au Mexique. Et le gouvernement n'a pas l'habitude de voir les gens s'exprimer et contester le status quo, non? Alors ils ont une peur épouvantable. Leur riposte est un riposte de force. Ils ont tiré. Ils ont tiré. Et le mouvement était tout à fait, comme vous venez de dire, c'était tout à fait pacifique. C'était des manifestations très grandes, mais tout à fait dans le silence parfois. Toujours dans la paix. Qui réunissait la grande majorité des étudiants. Oui, il y avait parfois 500 000 gens dans les manifestations de l'année 68, n'est-ce pas? Et ça, il faut dire que la violence a été une violence de la part de l'État, de la part du gouvernement. Parce que dès le début du mouvement, le gouvernement est arrivé avec l'armée à l'école préparatoire numéro 5 et avec un bazooka de l'armée américaine. Ils ont fait éclater une porte qui datait du 16e siècle pour envahir la préparatoire et violer l'autonomie universitaire. Ensuite, ils ont investi aussi la cité universitaire même. Et finalement, le troisième acte, la troisième riposte, a été le massacre ouvert de la place des trois cultures. Qui a fait combien de victimes? Le gouvernement dit qu'il a eu 30 morts. C'est impossible. Tout le monde qui a été là a vu qu'il y avait quand même 400 morts. Mais ensuite, il y a eu de représailles. Ils ont fusillé pas mal de jeunes gens dans les alentours de la place des trois cultures. Et aussi dans les casernes de l'armée, ils ont tué pas mal de gens. Par exemple, ils prenaient des groupes d'étudiants et ils disaient, bon, on va le faire un peu de peur, tirer avec des blancs, n'est-ce pas? À blanc. Et bon, ils faisaient ça. Mais ça a pris toute la nuit et de temps en temps, les soldats s'ennuyaient un peu et ils mettaient des vraies balles. Ils ont aussi tué pas mal de jeunes gens là. Un docteur ami à moi qui a été à la morgue pour chercher son fils, qu'il a trouvé parmi les morts, m'a dit qu'il y avait 800-900 cadavres ce soir-là. Il a essayé de retirer le cadavre de son fils pour l'enterrer. Et le général qui était là a dit, vous et votre femme venir, prière, à côté du cadavre de votre fils, ben, vous ne pouvez pas enterrer le cadavre parce qu'on va les incinérer tous à 7 heures du matin, en effet. Tous ont été incinérés. Le matin, à l'aube, il n'a pas eu un seul enterrement. Et les familles de jeunes gens qui ont été tués ont été tous terrorisés immédiatement après avec des visites domiciliaires de la police et de l'armée en disant, si vous voulez un seul enfant mort, tuez-vous. Silence. Et tout le monde s'est tué. Oui, mais oui. Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de journaux indépendants. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Ce sont d'honnêtes gens de la classe moyenne qui aussi gagnent leur vie péniblement et pas mal d'eux sont des bureaucrates qui dépendent du gouvernement. La situation est comme ça. C'est très difficile. Oui. Elle n'a, semble-t-il, jamais été aussi critique qu'en ce moment. Non, jamais. Mais le fait est que le gouvernement a peur parce qu'il n'a pas de solution pour les grands problèmes. Le Parti révolutionnaire institutionnel n'est pas un parti politique, mais c'est une organisation politique et bureaucratique d'une grande force qui arrive dans le moindre des villages, donne un petit pourboire par ici, contrôle ça, offre des solutions, des petites solutions, on va vous mettre la lumière publique, on va vous donner l'eau courante. Et il domine la situation, mais c'est une situation inquiète en tout cas. Je parlais avec pas mal de campesinos, des paysans mexicains, et ils trouvent pas de sortie. Ils parlent toujours d'une seule sortie. Ils disent le jour où ce sera une guerre nationale, ce sera le jour de la deuxième révolution mexicaine. Ça veut dire pour eux, quand ils parlent d'une guerre nationale, que la seule possibilité de mobiliser le Mexique dans une direction révolutionnaire dépend dans une grande mesure des actions des États-Unis vis-à-vis le Mexique. En fait, il y a une vague révolutionnaire qui monte du sud de l'Amérique latine, que pour moi est une vague irréversible. Et je pense que le dernier bastion des États-Unis en Amérique latine, ce sera le Mexique, qui est un pays où la domination économique est extraordinaire. Et puis, c'est les pays voisins, un pays qui a 2000 kilomètres de frontières communes avec les États-Unis. Alors jusqu'ici, les gouvernements mexicains étaient très habiles pour se déguiser avec ce mythe de la vieille révolution, de l'unité nationale, etc. Mais je pense qu'il arrivera un moment où la ligne de défense des Américains dans l'Amérique latine sera précisément le Mexique, et le gouvernement mexicain devra se révéler tout à fait comme un gouvernement de collabos. Yo vi la sangre de un niño brutal. A un niño llorando a su suerte y me pregunto por qué tanta muerte, tanto dolor, tanto napalm. Pues vi la sangre de un niño brotar. Yo vi la sangre de un niño brotar. Yo he visto a un niño bajo un cielo oscuro gritando al futuro, ¿cuándo has de llegar? Y mientras otros padres, otros niños bajo un cielo abierto. Ces émissions de Roger Pilaudin sont les deux premiers épisodes d'une série de 12, première diffusion sur France Culture les 5 et 6 juillet 1971. Elles sont à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Hoy es mi día.